mauvais être. Loupé en ma eu ce que j'aurais dû faire. Broutis et foutu ce que le destin m'a donné. Oh non, le bon de chaque côté. Ce que les autres pensent de moi, rien, ils ne me connaissent pas. Esprit unique, multiplication du même effet. Continuer dans le silence à opérer. Elixir, me direz-vous, jamais plus, il n'y aura jamais plus. Dans ton psychique qui gouverne l'ombre de toi, y a-t-il du vrai dans l'absurdité? Est-ce que seule l'existence suffit pour étirer de nos corps? Que faisons-nous au-delà de notre âme? Avec un conseil, s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'y a que la haine qui entre et qui entretient. Trop de sentiments et je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus qui je suis. Au fond du bocal, ou du beau bocal, rien de moi ne survit. Rien de moi ne survit. Rien. Comme tout est calme ce soir, je vais pouvoir maudire qui de droit, et me dire qui de droit. Contrario, à contre-rayo, que seule la défense de la destruction mentale pourrait tout changer. Mais à défaut, prendre la moitié et prendre les moitiés de soi ne vaut en aucun cas l'éloignement de ces mois triés. Que seuls les illusions fait nourrir les pensées. Gestation, opposition, arrestation. L'ingratitude de ceux qui ne devraient être contre toi nourriture, pourriture et dégoût de soi. Suicide mental de ne pas être asservi, ou plutôt de ne pas être au service du royaume. Puis-je en mettre davantage sur le dos, dépasser son physique comme sa pensée? L'au-delà de nos vies est-il l'association des réflexions au pays des lumières? Plus rien ne brille. Soit-ce le temps de passer l'âme? Rien ne pousse quand trop brûlé. Anesthésie. Anesthésie. Anesthésie. Anesthésie. Mental.